les matins sont plus beaux. Depuis, tu répands de l'or. La chimiste de défaut qu'on transmute dans la tanor. Ébat amoureux, éclat nocturne. On s'ennuie de caresses sans peur, sans faiblesse. Volupté aspire phalène. Pas comme je suis. Avec moi, tu t'ennuies. Y'en a marre des soirées les calmes et des matins. Cirque.